Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes le 30 décembre 2019. C'est le dernier, quasiment le dernier jour de l'année. Enfin, c'est la dernière émission ayant pour titre calendrier des esclavages et des libérations pour cette année. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir? Eh bien, le calendrier, comme d'habitude, bien sûr, c'est le titre de l'émission. Et puis, le Front Populaire 1936, le joli mois de mai 34. Le Média. Libéraux et conservateurs, assurance du système. Mai 68, la grande explication. Thomas Piketty dénonce l'arnaque des retraites. Ensuite, par Jupiturne. Bon, ce sera retraite. Je souhaite que Macron connaisse un échec. Brel, Brassens et Ferré parleront et chanteront aussi. Julie Garnier, Macron méprise le peuple. Le Front Populaire, que s'est-il passé au printemps 36? Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin d'année, un bon début d'année 2020. 2020, un contrôle, on ne verra que des belles choses, bien sûr. On va léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui viennent derrière un monde magnifique, c'est sûr. Hein? Ah oui, oui, on y croit. Bah, il faut y croire, parce que sinon... Hein? Ah oui, oui, on va essayer, quoi. Voilà, allez, bonne nuit, au revoir, bonne année. Calendrier des esclavages et des libérations du 30 décembre. Le 30 décembre 1896, aux Philippines, après un jugement burlesque, exécution de José Rizal y Alonso, premier patriote philippin, fondateur de l'association honorable et suprême des fils du peuple, héros de la lutte anticoloniale. 1911, Chine, Sun Yat-sen, proclame la République à Nankin. 1918, Allemagne. À Berlin, fondation du Parti communiste d'Allemagne. Il fait sien le programme de la Ligue spartakiste. L'instauration de la dictature du prolétariat. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg font partie du comité directeur. 1922, URSS, la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, devient l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS. 1983, France, à Talbot-Poissy, la direction décide le lock-out. Les CRS font évacuer l'usine. 1984, Éthiopie. La famine qui sévit dans ce pays touche des millions de personnes. Que s'est-il passé le 31 décembre ? Eh bien, le 31 décembre 1850, en France, parution du dernier numéro de L'Atelier, dont la disparition est imposée par le nouveau régime dictatorial. Ce journal ouvrier résume la mission qui s'était donnée, se faire auprès des pouvoirs publics et devant l'opinion, l'expression la plus sérieuse et la plus vraie des besoins et des sentiments de la classe laborieuse. Développer chez les ouvriers le sentiment de leur valeur comme producteurs et de leur dignité comme citoyens. Leur apprendre à avoir plus confiance en leurs propres forces. Est-il moral, juste, que le travail et partant l'existence de cette immense majorité de la nation qu'on nomme ouvrier soit à la merci des intérêts des compagnies et souvent des passions et des vices de quelques hommes, les maîtres? Dieu nous a-t-il livrés à eux comme un vil métal afin qu'ils battent monnaie de notre chair et de notre sang? N'avons-nous d'hommes que le nom ou le sommes-nous au même titre qu'ils le sont? Point d'interrogation. 1905, Russie. Fin de la première révolution russe. Devant l'afflux des troupes tsaristes, les révoltés cessent la résistance. Le prolétariat a été obligé de reculer, mais il n'a pas lâché l'étendard de la révolution, signé Lénine. 1910, France. Le président Falière commue en 7 ans de détention la condamnation à mort de Jules Durand. L'application de cette peine sera suspendue le 15 février, mais il est déjà trop tard. À l'annonce de sa condamnation, l'esprit de Jules Durand s'était enfoncé dans une nuit d'où il ne sortira plus. C'est à l'asile psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen qu'il apprendra le 15 juin 1918 son acquittement par la Cour suprême. 1911, Japon. À Tokyo, 6000 employés des tramways sont en grève pour la répartition des primes. 1930, Nicaragua. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le général sandiniste Miguel Ángel Ortiz, avec un groupe de jeunes rebelles, attaque un détachement américain au repos. L'impact est si important sur l'opinion publique américaine que le retrait des Marines du Nicaragua est à envisager. 1934, Autriche. Les socialistes révolutionnaires, une organisation clandestine, fondée dès février 1927, tiennent leur conférence fédérale à Brune, s'ils avaient pu résister à Hitler. 1936, USA, début de la grève sur le tas dans les usines de General Motors. L'action aboutira à la reconnaissance des syndicats et à la signature d'une convention collective. 1958, Indonésie, les entreprises néerlandaises sont nationalisées. 1963, France. À Trieux, après le vote des mineurs, 217 contre 145, la remontée des grévistes qui occupent depuis 79 jours le fond est fixée pour 15 heures. Il fait froid. La foule attend. Les hommes ressurgissent par groupe de 28. On applaudit et on retient les larmes. Trieux veut vivre. Trieux vivra. Le 79e communiqué du fond est lu à tous. Nous sortons la tête haute avec la certitude d'avoir bien fait notre devoir envers nos familles, nos enfants, les organisations ouvrières et la classe ouvrière. 1981, Colombie, Luis Javier Cifuentes, dirigeant des syndicats de la société colombienne de tabac, est arrêté par l'armée. On le retrouvera plus tard mort, le corps couvert de contusions et le visage brûlé par l'acide. Ce n'est qu'un des nombreux syndicalistes disparus cette année. 1981. 1982, Turquie. Selon les statistiques officielles d'Ankara, le bilan de l'état de siège du 26-12-1978 au 31-12-1982, 23 059 personnes se trouvent incarcérées sur l'ensemble du territoire. Depuis fin 1978, 29 404 personnes ont été condamnées. 1984, USA. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Ils reprochent à cette organisation internationale sa mauvaise gestion et une politisation excessive. Eh bien, voyons. De travailler sans faiblir et sans nous laisser rebuter par aucun obstacle pour la cause de l'unité prolétarienne que Jaurès a voulu. C'est la victoire éclatante, Front populaire, 370 sièges. Droite, 220. La France a voté à gauche. Pourtant, le déplacement de voix est infime, 1,3%. Mais les désistements au second tour ont fait gagner 40 sièges de plus au Front populaire. L'unité a payé. Le peuple de gauche fête joyeusement sa victoire. Que chante Jacques Prévert? Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde, il paraît qu'il va changer. Tous les jours on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil et personne ne sera humilié. Bientôt le peuple aura son gouvernement. Bientôt, non. Léon Blum, toujours respectueux des règles, ne veut pas former son ministère avant la rentrée du Parlement. Il faut attendre un mois. Citoyens, camarades et amis, nous étions tous ici il y a un an. Tous ensemble, nous avons prêté le même serment. Le serment a été tenu. Un mois à attendre, c'est trop long. Les ouvriers n'ont pas confiance, ils veulent des gages. Renault, Citroën, Fiat, Nieuport, Gnomero, Caudron sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un raz-de-marée. 2 millions de grévistes. 9 000 entreprises occupées dans toute la France. Les partis et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes accusent les trotskistes. Pendant ce temps, les ouvriers, eux, s'organisent. L'action française affole les beaux quartiers. Les soviets sont là, le pavillon rouge flotte à Marseille. C'est la révolution. La preuve, les 24 heures du Mans sont annulées. Ah oui, vraiment du beau travail à l'actif du Front populaire. Le grand soir est pour demain ou qui sait, pour ce soir. À la rentrée, Léon Blum forme enfin son gouvernement. Moitié socialiste, moitié radicaux. Le Parti communiste et la CGT ont refusé de participer. Pour ne pas effrayer les bourgeois, a dit Maurice Thorez. Léon Blum aurait pu constituer un gouvernement socialiste homogène, il n'a pas voulu, ou pas osé. Les radicaux contrôlent la guerre et les affaires étrangères. Il va bientôt le regretter. Première innovation qui fait scandale, 3 femmes ministres, dont Irène Joliot-Curie. Seconde innovation prophétique, mais qui fait ricaner, un ministre des loisirs, Léo Lagrange. Le gouvernement de Front populaire agira dans le cadre de la société actuelle, mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre, de sécurité, de bien-être et de justice. Dès le départ, Léon Blum annonce la couleur. Il sera le gérant loyal de la société capitaliste, au nom d'une subtile distinction entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, explique-t-il, nous exerçons le pouvoir. Nous ne l'avons pas conquis. Ce serait malhonnête d'en profiter. Révolution, oui. Coup d'État, non. Le premier geste du gouvernement est de demander aux travailleurs d'évacuer les usines et de s'en remettre à la loi. Enfin, les difficultés commencent, note le socialiste Braque. À Paris, les cafés et les restaurants sont fermés. On fait la queue devant les rares magasins d'alimentation ouverts. Vieux réflexe de ceux qui en ont les moyens, on stocke l'huile et le beurre, on envoie les femmes et les enfants à la campagne et les capitaux en Suisse. Demain, les boulangeries n'auront plus de pain. Les grands magasins, eux aussi, sont occupés. Un vieux compte à régler pour le sous-prolétariat des vendeurs et des vendeuses. 3 fois 1 minute de retard et c'était le renvoi. Défense de bavarder, défense de s'asseoir. Pour les femmes, robe noire obligatoire, pour les hommes, pantalon à rayures. On affirmait que 2 employés avaient été renvoyés pour avoir apporté leur sandwich enrobé dans un numéro du Populaire. Aujourd'hui, on se venge, on chante et on danse. Le patronat désemparé accepte de négocier. Le 7 juin, les discussions s'engagent entre patrons et ouvriers sous la présidence de Léon Blum. À 1h du matin, les accords Matignon sont signés. Les patrons déclarent que la discussion a été courtoise, difficile et douloureuse. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, titre le Populaire. 12% d'augmentation de salaire. La semaine de 40 heures, 15 jours de congés payés, le droit syndical reconnu, des cortèges partent à travers la ville annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. Pourquoi pas la révolution, tout de suite? Depuis le mois de mai, une minorité de socialistes et de communistes ne cesse de proclamer « Tout est possible, maintenant et à toute vitesse. Nous sommes à une heure qui ne repassera pas de sitôt au cadran de notre histoire. Alors droit devant nous, en avant camarades. » Mais non, messieurs, tout n'est pas possible. Il n'est pas question de chambardement ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir de petits paysans qui ne sont pas contents de la grève des camionneurs. « Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Vous voyez, conclut Thorez, nous n'avons pas derrière nous la population des campagnes, ni les classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. » Les dirigeants syndicaux, qui souvent se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne « Discipline, camarades, discipline !» L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Mort le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable de se réveiller. Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce sous les applaudissements que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement, et comme à regret, le travail reprend. Pourtant, fin juillet, 300 usines sont encore occupées. Chez Peugeot à Montbéliard, les ouvriers dressent des barricades et la grande flambée de juin mettra des mois à mourir sous la cendre. Sont-ils déçus? Ils n'ont pas le temps de l'être. Après la fête des grèves, c'est la fête des congés payés.

Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Bon, cet extrait vous a tous choqués, mais moi, j'ai envie de la défendre. Non, je déconne. Mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se joue derrière ce discours et voir que derrière, il y a un véritable courant de pensée. C'est pas à l'État de s'occuper du pouvoir d'achat des gens, c'est à chacun de nous de s'occuper de notre propre pouvoir d'achat, c'est d'abord ça. Donc sur ce bon gros plaidoyer bien libéral, on sort le dossier du libéralisme. Elle est manif pour tous, l'avant-garde, l'incorrect. Eh ben, c'est plutôt réac ou conservateur, du coup. Ok, alors on sort le dossier du conservatisme. Ouais, mais attends, ça me paraît quand même vachement libéral, non? T'as qu'à dire les deux, c'est du en même temps. Ok, alors on sort le dossier du libéral-conservatisme. Bienvenue dans le réel. Évidemment, t'as 5 enfants, t'es obligé de travailler, sinon t'en fais pas 5. Ça coûte cher, les enfants, aujourd'hui. À première vue, elle nous sort une formulation particulièrement cynique d'une rhétorique libérale bien connue. Il faut se prendre en main, sortir d'assistanat, quand on veut, on peut, tout le monde peut réussir, il faut devenir un winner, un self-made man. Bref, une version hardcore de « il suffit de traverser pour trouver du boulot ». Traverse la rue, je vous en trouve. En effet, pour un libéral, tous les individus ont les mêmes droits. Ça, c'est le versant politique, et chacun est responsable par son travail, par son effort personnel, de sa réussite ou de ses échecs. Ça, c'est le versant un peu économique. Ce qui garantit le bon fonctionnement de ce système, c'est une compétition équitable, un libre marché. Il faut donc éviter de biaiser cette compétition par des interventions de l'État dans l'économique ou dans le social. Nous sommes le champion du monde des prélèvements obligatoires. Il est évidemment nécessaire que l'État, et ça n'est pas être un ultra-libéral de dire ça, que l'État arrête d'asphyxier les acteurs individuels, les entreprises. Ils se comportent vis-à-vis de l'État comme des créanciers, comme s'ils avaient des choses à demander. Et à aucun moment, vous ne les entendez assumer la responsabilité de leur propre situation. Arrêtez de toujours compter sur la société. Comme disait Thatcher, dont d'ailleurs Julie Graziani se réclame, il n'y a pas de société. On est dans une société, on n'est pas une somme d'individus atomisés comme ça. En général, on interprète cette fameuse formule de la Dame de Fer comme une déclaration ultra-individualiste. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, et je pense qu'il faut aller voir ce qu'elle dit vraiment, parce que vous allez voir que chez Thatcher, se nouent des alliances assez étonnantes. Ils font reposer la responsabilité de leurs problèmes sur la société. Et vous savez, je ne vois rien qu'on puisse appeler la société. Il existe des individus, hommes et femmes, et il existe des familles. Et aucun gouvernement ne peut rien faire sauf via les gens. Et les gens doivent s'occuper d'abord d'eux-mêmes. Il est de notre devoir de prendre soin de nous et, par la suite, de nous occuper aussi de nos voisins. Elle n'est pas en train de nous dire qu'il n'y a que des individus et que c'est chacun pour soi. Mais si un individu échoue à se prendre en main et à remplir ses devoirs envers les autres, l'État ne peut ni ne doit le faire à sa place. Elle ne prétend pas qu'il n'y a pas de lien entre les individus. Elle est en train de dessiner la manière dont ces liens doivent s'organiser. Certainement pas sous la forme d'une gigantesque entité abstraite qu'on appellerait la société. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Mais bien plutôt, et c'est ce qu'elle a en tête quand elle parle de famille et de voisins, le lien social doit reposer sur des communautés intermédiaires, plus concrètes, traditionnelles ou naturelles. On le voit bien si on se rapporte à ce qu'elle dit dans ses mémoires. Ce que je voulais dire, qui était clair à l'époque, mais fut par la suite déformé d'une manière inimaginable, c'est que la société n'était pas une abstraction, distincte des hommes et des femmes qui la composent, mais une structure vivante, formée des individus, des familles, du voisinage et des associations établies sur une base volontaire par ces individus. Association volontaire, sauf les syndicats, hein. Mais sinon oui, la famille, d'où le « fallait pas divorcer » de Julie Graziani. L'avant-garde, c'est nous. L'arrière-garde, c'est les autres. Hein. Les revendications d'avortement et d'euthanasie, ça, c'est des revendications d'arrière-garde. Je l'avais bien dit qu'elle était conservatrice. Ouais, comme Maggie Thatcher, qui a mené une politique extrêmement libérale, sur le plan économique, mais qui est avant tout une conservatrice. Ça veut pas dire qu'elle travaille dans un musée. On a même parlé de révolution conservatrice quand elle et Ronald Reagan sont arrivés au pouvoir. Catholique, conservatrice, libérale, Marion Maréchal Le Pen. Être conservateur, c'est grosso modo considérer que les traditions et cultures doivent être préservées et défendues contre tout changement trop brusque de la société. Ce qui est important pour que le système fonctionne, c'est que chacun soit à sa place, que l'ordre règne et que les hiérarchies soient respectées. Pour un conservateur, les liens pensés comme naturels, la famille, les liens locaux, le village, la paroisse, ou encore les liens religieux, font de bien meilleurs liens sociaux entre les individus que des liens abstraits et lointains du marché ou de la grande société, surtout quand ils passent par l'intermédiaire de l'État. Bon, après, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt Pernaud ou Zemmour. Le progressisme est un matérialisme divinisé, qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexe ni racine. Historiquement, les conservateurs ont donc d'abord vu les libéraux comme une menace, parce qu'ils prônaient l'égalité des droits contre les hiérarchies et la liberté de choisir sa vie, quelle que soit sa naissance. Bien sûr, nous devons être conservateurs et conservateurs de notre identité, mais ça va rapidement devenir les deux idéologies des classes dominantes. Et donc, comme d'hab, quand faut taper sur les dominés, il y a moyen de s'entendre. Thatcher est un exemple intéressant d'alliance entre conservatisme et libéralisme. Elle a retenu les leçons de son maître, l'économiste Friedrich Hayek. Selon lui, l'ordre social est assuré de façon spontanée par deux facteurs. Le marché, c'est-à-dire les échanges économiques, et les traditions morales, dont les supports sont les différentes communautés dont Thatcher parlait plus haut. Tout ce qui pourrait venir perturber l'un ou les autres, Hayek et donc Thatcher aussi détestent ça. D'où la guerre sans merci menée par Thatcher à tous ceux qui viennent contester ces deux institutions ou chercher à leur substituer des alternatives. Ce qui est insupportable pour les libéraux comme pour les conservateurs, c'est qu'on leur conteste le contrôle des structures qui organisent la société. Le marché ou les entreprises pour les libéraux, et les communautés traditionnelles pour les conservateurs. Dès le 19e siècle, ils voient donc dans la classe ouvrière un ennemi commun, puisqu'elle cherche à s'émanciper de l'un comme des autres. Car les dominés ne restent pas passifs, ils cherchent à construire des institutions pour conquérir leur émancipation. Par le syndicalisme, les travailleurs se regroupent et s'organisent pour échapper à la compétition dans le travail. Et par des institutions comme la sécurité sociale en France, on minimise la dépendance des individus aux communautés traditionnelles quand il s'agit de faire face aux risques de la vie. Le vieux perçoit une retraite, le malade est soigné, le chômeur est indemnisé, et aucun ne dépend de la générosité de son entourage ou de la charité. Bref, on cherche à construire un monde dans lequel la femme au SMIC peut divorcer sans craindre de se retrouver à la rue avec ses enfants. Moi je dis là, faut les secouer un peu. Non. Je vous conseille d'ailleurs un excellent On sort les dossiers sur la sécu. L'alliance finalement de la liberté d'entreprise et de la France éternelle. Bon ok, on a bien compris que personne ne soutient un chacun pour soi généralisé et absolu avec zéro solidarité. Mais qu'est-ce que vous proposez réellement? La charité? Faire travailler des bénévoles jusqu'à l'épuisement? Resto du cœur, 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au SMIC par l'État, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est aussi des coûts évités pour les pouvoirs publics. La philanthropie, peut-être. Ah ça, non merci, hein, parce qu'on ne veut pas d'une situation dans laquelle celui qui reçoit est soumis au bon vouloir arbitraire de celui qui donne, et dont les principes de décision n'ont pas été délibérés et acceptés collectivement. Toi, j'aime pas ta gueule. Toi, t'es pas chrétien, donc non. Toi, t'as divorcé. Bah, faut assumer, hein. Hop. Et lui, je l'ai vu sur Insta, il s'est payé un voyage une fois. Ça va pas, ça, un pauvre, ça voyage pas, ça bouffe des patates en faisant la gueule. Donc non. Actuellement, ce courant libéral-conservateur est un peu hésitant. L'accession au pouvoir de dirigeants comme Trump, Bolsonaro, Orban ou Salvini les rend plutôt optimistes. Mais en France, disons qu'ils pataugent un peu. Ils peuvent se satisfaire un moment de l'action d'un Macron, qui certes n'est pas leur tasse de thé au plan des mœurs, mais approfondit le programme de réforme néolibérale, et n'hésite pas, pour maintenir l'ordre, à piétiner des principes du libéralisme politique. Arrestation préventive, menace sur la liberté de manifester, répression, etc. Mais ils sont aussi tentés d'avoir leur propre offre politique, soit en se coulant dans une offre déjà existante, dans des versions compatibles avec la mondialisation et l'Union européenne, comme ça a été le cas avec Fillon ou Bellamy, mais bon, ça bide un petit peu, ou bien dans des courants qui mettent en avant une rupture souverainiste, comme le Rassemblement National de Marine Le Pen. Soit en créant une offre politique nouvelle. C'est ce à quoi la Convention nationale de la droite a œuvré, et en s'appuyant par exemple sur une personnalité comme Marion Maréchal Le Pen. En tout cas, force est de constater que cette figure du libéral conservateur déborde maintenant les quelques courants dont j'ai parlé, ou les quelques personnalités que j'ai évoquées, et finit par coloniser l'ensemble de l'espace public, on la retrouve maintenant sur tous les plateaux télé, à tel point que cette figure finit par supplanter, un peu partout, par son intransigeance morale et sa violence sociale, des figures dont pourtant tout le monde parle, comme celle du bobo ou du simple libéral. Ah, lui, il est socio aux médias. Je valide. il sera question d'histoire. I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale, où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants, et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Oh yeah ! Il y a une aspiration extraordinaire au changement. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam National met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars. Vendredi 3. Les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau. La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son premier ministre. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiet de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. l'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui ? La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant. Oh yeah ! Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant que vous nous donniez votre point de vue sur le fond de la réforme des retraites que prépare le gouvernement, d'abord un mot sur le principe. Basculer vers un système universel où 1 euro cotisé, c'est 1 euro de retraite pour tout le monde. Sur ce principe-là, est-ce qu'il est bon ce principe ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, un régime universel, dans l'absolu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais déjà, la seconde partie de votre question, 1 euro cotisé, 1 euro de retraite, vous voyez, par exemple, est-ce qu'on prend en compte les différences d'espérance de vie ? C'est-à-dire que quand vous avez des ouvriers qui vont vivre à la retraite 10 ans de moins que des cadres supérieurs, et qu'on oublie, comme par hasard, de prendre en compte ça dans le calcul des taux de cotisation et des taux de remplacement, l'arnaque est quand même un peu énorme, parce qu'au total, c'est ceux qui vont vivre 10 ans de moins qui vont cotiser pour ceux qui vont vivre 10 ans de plus. Donc, dans cette notion de justice, parce que c'est ça le cœur du débat, je pense que le gouvernement a quand même un problème avec la notion de justice, disons, pour dire simple. C'est-à-dire qu'il a commencé son mandat en faisant, comme on sait, d'énormes cadeaux fiscaux aux plus riches. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa réforme récente de l'assurance chômage sur le dos des chômeurs les plus modestes, notamment. On a un gel des salaires dans la fonction publique, hospitalière, sur des salaires d'enseignants, d'infirmières, qui sont quand même pas des salaires de premier de cordée. Et maintenant, on arrive sur une réforme des retraites avec énormément d'incertitudes, et puis également une façon d'essayer de faire de l'argent entre des salariés du secteur public ou des cheminots qui sont quand même pas non plus, qui ne marchent pas à 10 000 euros par mois, et d'autres salariés plus modestes qu'eux au même niveau de salaire, sans mettre à contribution les plus favorisés. Vous n'êtes pas surexcité, on a compris ce matin. Je pense que le gouvernement va dans un mur s'il ne prend pas au sérieux la demande de justice très forte qui s'exprime en France, d'ailleurs comme dans d'autres pays. Vous avez remarqué, il y a une demande aujourd'hui de justice sociale, fiscale, un ras-le-bol avec une forme de dérégulation économique et de concurrence toujours au profit des plus mobiles et des plus riches. Et c'est ça le cœur du sujet. Sur le principe, pardon, préparer une réforme systémique, une grande réforme de système où on passe à une réforme universelle, à un système universel, où on dit c'est fini les 42 régimes spéciaux, on passe à un système universel. Ça, sur le fond, vous êtes pour ou contre ? Mais après, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Mais vous êtes pour ou contre ça ? Alors, moi je pense que dans l'absolu, on peut aller vers un régime qui, que les carrières passent par le public, par le privé, une expérience non salariée, parce que vous avez des trajectoires compliquées, vous pouvez aller vers un régime qui intègre ces différents épisodes d'une façon homogène et d'une façon plus compréhensible qu'actuellement. Mais il faut le faire dans la justice. Donc concrètement, parce qu'en fait, on parle beaucoup de cette réforme, mais on ne dit pas tellement ce qu'il y a dans le rapport de Levoix, qui est pour l'instant le seul document qu'on a, parce que le gouvernement n'a pas encore dit son projet, ce qui d'ailleurs crée beaucoup d'incertitudes. Dans le rapport de Levoix, il y a beaucoup de problèmes qui créent des anxiétés. Bon, il y a toute la question évidemment de la valeur du point, dont on ne sait pas du tout comment elle évolue, vu ce qui s'est passé sur la valeur du point dans la fonction publique. Forcément, il y a une inquiétude. Donc moi, je pense qu'un régime universel doit pas être fondé sur des points qui peuvent bouger tout le temps. Il faut se placer par rapport à des taux de remplacement, par rapport à des salaires, parce que c'est ça qui parle aux gens quand je parle à la retraite. Edouard Philippe, il a dit que la valeur du point sera indexée sur le niveau des salaires. Oui, est-ce que ça vous rassure? Non, ça reste très flou. Ensuite, si on regarde le rapport de Levoix, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement injustes. De façon générale, disons, la philosophie de la réforme, c'est que la retraite est là pour reproduire à l'âge, au grand âge, les inégalités qui existaient déjà pendant la vie active. Et donc la philosophie implicite, c'est, en fait, la retraite ne sont pas là pour réduire les inégalités, c'est éventuellement l'impôt sur le revenu corrige ensuite après coup les inégalités, mais le système de retraite est simplement là pour prendre une certaine inégalité des salaires qu'il y a pendant toute la vie active et la reproduire indéfiniment jusqu'à la mort. Cette vision, qui a été une vision assez consensuelle pendant un certain temps, je pense, est dépassée. Elle est dépassée d'une part parce que les inégalités salariales pendant la vie active ont atteint des proportions abyssales entre un salariat très émietté en bas et puis des super salaires dont la légitimité peut et doit être contestée. Et d'autre part parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, ce qui est en jeu, c'est quand même le financement de la fin de vie dans la dignité, l'accès à des établissements et qui permettent de finir sa vie en dignité. Donc il faudrait faire quoi? Il faudrait corriger au niveau des retraites les inégalités qu'on a pendant sa vie active. Pour résumer, un régime universel acceptable, ce serait un régime qui serait beaucoup plus favorable sur les salaires entre 1 SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC et qui fasse porter davantage l'effort sur les salaires à 6 SMIC, 7 SMIC et au-delà. Or, le projet de Levoix fait exactement le contraire. Donc là, moi, je veux rappeler quand même. Donc, le pilier du système, c'est un financement qui est proposé dans le rapport de Levoix d'être de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 euros par mois. 120 000 euros par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8% au-delà de 120 000 euros, donc 10 fois moins. Et le gouvernement justifie ça en disant « Ah oui, mais regardez, les retraites, on va aussi les plafonner à 120 000 euros, sauf que les personnes à 120 000 euros ont des espérances de vie beaucoup plus importantes que ceux qui sont au niveau du SMIC, et donc vont bénéficier beaucoup plus longtemps donc de leur retraite. » Donc vous dites quoi? Donc là, il y a une arnaque énorme. Donc au minimum, il faudrait mettre à contribution les plus hauts salaires, au moins autant que les plus modestes. Deuxièmement, sur les taux de remplacement qui sont visés par donc le pour système. Pour vous, c'est une mesure pour les super-riches, ça? Par rapport au système actuel, peu de personnes l'ont remarqué, mais en vérité, c'est une baisse de cotisation très importante. En gros, sur les salaires entre 120 000 et 200 000 euros, vous avez une baisse de cotisation très importante. Oui, mais on a moins de droits aussi. Mais immédiatement, on a moins de droits. On cotise moins, mais on a moins de droits. On a moins de droits. Ils estiment qu'on a les moyens de payer une retraite. Sauf qu'en fait, dans ce calcul du bilan cotisation et droits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on oublie comme par hasard de prendre en compte l'énorme différentiel d'espérance de vie qu'il y a entre des salaires à 120 000 euros et des salaires à des salaires au SMIC. Et donc, là, il y a quand même une absence de transparence. Moi, je pense qu'un système de retraite doit être financé sur l'ensemble des salaires, y compris les plus élevés, et éventuellement un taux plus élevé sur les salaires les plus importants, mais certainement pas un taux 10 fois plus faible, 2,8%. Vous voyez quand même que la demande de solidarité vis-à-vis des hauts salaires est quand même très faible par rapport à 28% sur les... Donc là, on a un système, c'est l'impôt régressif qu'on invente là, et c'est quelque chose qui montre que le gouvernement n'a toujours pas compris la demande de justice. Thomas Piketty, en finir avec les régimes spéciaux qui coûtent, selon Gérald Darmanin, 8 milliards d'euros par an à l'État, est-ce que c'est une bonne décision? Alors, là, à nouveau, il faut poser la question plus généralement sur la question des bas salaires, moyens salaires, hauts salaires. Dans le système proposé par le gouvernement, donc le rapport de Levoix, en tout cas, dit la chose suivante. Dit pour une carrière pleine, qui est évoquée à 43 années de cotisation dans le rapport de Levoix, vous aurez un taux de remplacement qui sera à 85% si vous avez une carrière complète au niveau du SMIC, puis ça tombera d'un seul coup à 70% à 1,5 SMIC, pour une carrière complète à 1,5 SMIC, et ça restera à ce niveau de 70% jusqu'à 7 SMIC, toujours le fameux plafond de 120 000 euros de revenus annuels. Alors, c'est une norme de justice possible. La question, c'est est-ce que c'est la seule? C'est-à-dire, moi, je pense que si on avait un système qui, par exemple, passait de 85% au niveau du SMIC à 80% à 1,5 ou 2 SMIC, oula, à 75% à 2 SMIC, perdez, et demi, là. Et non, c'est très simple, Salamé. La question, c'est combien? Oui, la question, non, attendez, c'est très simple pour tous les gens concernés. Ils veulent savoir à leur retraite combien ils vont perdre. C'est très simple. Et donc, si vous êtes à 85%, vous perdez que 15. Si vous êtes à 80, vous perdez que 20. Si vous êtes à 70, vous perdez 30. Et donc, je pense que la perte de niveau de vie, elle doit être plus importante pour les gens qui ont des salaires à 5 SMIC, 6 SMIC, 7 SMIC. Et ça, le gouvernement a du mal à l'intégrer parce que, de façon générale, la notion de justice sociale dans la répartition des revenus, des richesses, c'est quelque chose qui lui est complètement étranger. Quand le gouvernement répète sur les cheminots notamment ou sur les chauffeurs de bus que ce n'est pas normal qu'un chauffeur de bus de Paris parte à la retraite 10 ans avant un chauffeur de bus du Havre, cet argument-là qui est répété à l'envi, est-ce qu'il est juste ? Alors, je le redis, on peut construire une meilleure norme de justice que cela en ayant un système qui traite l'ensemble des bas salaires entre 1 SMIC et 3 SMIC, avec des taux de remplacement importants, en mettant à contribution les salaires de super cadres qui se sont développés dans des proportions inouïes en France comme dans d'autres pays au cours des dernières décennies. Vous ne pouvez pas... Oui, là, vous essayez de faire la justice en opposant les bas salaires entre eux. En gros, c'est-à-dire votre philosophie de la justice, c'est de dire il y a des conducteurs à 2 SMIC ou 2 SMIC et demi qui s'en sortent mieux que d'autres salariés à 1 SMIC et demi ou 2 SMIC. Mais sauf qu'il y a plein de gens aussi qui sont à 5 SMIC, à 10 SMIC. Et donc si vous n'avez pas une vision globale du système permettant de proposer une norme de justice qui soit cohérente sur l'ensemble, forcément, on a vraiment l'impression que vous essayez d'opposer des classes populaires entre elles pour finalement mieux protéger des premiers de cordée à qui vous avez consacré vos marges de manœuvre budgétaires. Et donc le sentiment d'injustice est tel... Et puis, il y a tout le problème de l'université. C'est-à-dire, il y a un sous-investissement dans l'université. La jeunesse, également, a un sentiment d'injustice. Vous savez, vous avez le nombre d'étudiants a augmenté de 20%. Le budget de l'université a stagné. Donc, vous avez un investissement par étudiant. Mais là, on ne va pas tout faire. Oui, mais ça fait partie du sentiment d'injustice et du mouvement social qui se prépare. Notre pays est trop négatif, dit Emmanuel Macron. Bah, si on n'investit pas dans l'avenir, c'est-à-dire, vous savez, si vous consacrez vos marges de manœuvre budgétaires à des septuagénaires aisés qui payent l'ISF au lieu de le consacrer à la jeunesse et à l'investissement dans l'enseignement supérieur, oui, effectivement, vous ne préparez pas beaucoup l'avenir et vous contribuez certainement au dynamisme du pays. Oui, j'irai manifester le 5 décembre. Capital et idéologie, votre livre, nouveau livre sorti en septembre, c'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires en 3 mois. Bravo, Thomas Piketty. Merci. Belle journée à vous, merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous voudrions apporter notre soutien à la direction de Radio France, prise en otage par un mouvement social terrible. Scandaleux, parce que le gouvernement et la direction ont raison. On peut faire de la radio avec moins de moyens. Et d'ailleurs, on va vous le prouver tout de suite. Vous le prouver. Exactement. C'est parti. Allez. Émission par Jupitune. Jingle. Il n'y a pas de jingle. Parce que le mec qui faisait les jingles, du coup, ils n'ont pas viré. Non, il a été restructuré. Ah, ouais. Mince. Oui, rien à voir. Oui, enfin, c'est pas bien grave, on va démerder. Hein. Bah, alors là, regarde, vas-y. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up émission. Aujourd'hui, on reçoit qui ? Vas-y, ouais, c'est dans le dossier. Ah non, parce que j'ai rien là. Attends. En régie, est-ce qu'on peut me dire... Non, il n'y a pas de régie, il n'y a personne en régie. Ils ont viré. Okay. Non, ils n'ont pas viré, ils ont redynamisé au niveau des synergies. Okay. Voilà. Mais toi, tu sais qui on reçoit ? Non, il n'y a pas d'invité. Mais non, la personne qui calait les invités, on a été obligé de... Ça, ils l'ont viré. Non, ils n'ont pas viré, non, ils ont externalisé. D'accord. Donc, okay. Mais comment on fait alors ? Non, bougez pas, on se démerde. Ouais. Ok, non, je continue le... Tiens, machin, viens. Pêche-toi. Moi, c'est Jean-Pierre. Oui, bien. Bonjour, Christian. Bonjour. Moi, c'est Jean-Pierre. Ah oui, bonjour, Jean-Pierre. Alors, quelle est votre actualité ? Eh bien, moi, c'est mon dernier jour parce que je suis agent de gestion. Je travaille à la paye. Et vous avez été viré ? Non, non, je ne pense pas. Hein, ça m'étonnerait. Non, j'ai été flexibilisé. Voilà. À Pôle emploi. Oui. Alors, ce que je propose, c'est tout de suite une pause musicale. Ah, le disque. Oui, bah oui, pause musicale. Arrête, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là ? Si, parce qu'il n'y a plus de programmateurs musicaux. Ah merde. Ouais. Comme ils ont été. Ouais, bah oui. Ils ont été virés. Non. Ah merde. Parce que dans le plan d'économie, il y avait ça aussi. Alors là, qu'est-ce que... Non, mais c'est pas grave, Charline. Attends, c'est pas grave du tout, on va se débrouiller. Oh, avec ça, ça va très aller. Bien faire de la radio autrement. Ça va aller. Moi, je suis découragée. Allez. Ça boulette, pardon. Bah oui, mais on peut pas travailler comme ça. Alors attendez, ce qu'on va faire au dernier recours, alors on prend un logo de Radio France et on va le détourner. Oui, on le met devant. Non, parce qu'il n'y a plus de graphistes. Ils ont été... On a compris. Et sinon, alors, mais le gouvernement, quand est-ce qu'on va flexibiliser ? L'outsourcer ? Ouais, par exemple. Je pense que là, on peut dire virer. Oui, là, on peut. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yan Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noire. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yan Patochka Argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On vient de le voir dans l'ouverture du journal de 7h30, 107 tombes qui ont été profanées en Alsace. Le président de la République dit l'antisémitisme est un crime que nous combattrons. Quelle est votre réaction ce matin? Bon, comme toutes les personnes... normal, je suis soulevé de dégoût pour l'acte lui-même, pour les pauvres familles qui ont leur tombe profanée, et puis de dégoût pour l'individu qui a fait ça, parce que, bon, c'est pas très glorieux aller la nuit mettre des croix gammées sur des tombes. Bon, on voit ce qu'est cette extrême droite-là, elle est répugnante. La mobilisation, naturellement, on en parle ce matin. Si vous faites les moutons, vous serez... tendu. Et le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. C'est du Jean-Luc Mélenchon. Vous adressez à qui lorsque vous parlez des moutons? Ben, je m'adresse à tout le monde, à tous les Français. Il faut qu'ils s'impliquent dans ce grand sujet, parce que M. Macron, page après page, est en train de détruire tout le livre de l'histoire de la République sociale française. Alors donc, il faut que les gens s'en mêlent. Voyez-vous, il vient d'inventer une réforme. Alors ça c'est du Macron tout craché, un truc technocratique et qui à la fin sert à la finance. Mais ça répond pas au problème posé, parce qu'il y a vraiment un problème avec les retraites. Les gens partent trop tard, 63 ans. Or, la durée de vie en bonne santé maintenant, c'est 63 ans, donc les gens partent malades. Du coup, la moitié d'entre eux sont déjà au chômage avant de partir à la retraite. Et puis pour finir, il y a trop de pauvres de retraite, de trop petites... C'est ça qu'il faut régler, pas aller inventer un machin, une usine à gaz de retraite par poids, où chaque génération ne saura jamais ni combien, ni à quel âge elle part, ni combien elle aura à la retraite. Vous parlez des pauvres, le gouvernement anticipe et répond et dit qu'il n'y aura pas une retraite en dessous de 1000 euros. Ah, vous voyez, ça, c'est pas mal réussi. C'est leur coup d'enfumage de communication. Pour ça, faut avoir une retraite complète. Mais justement, le problème, il faut un nombre d'années cotisées complet. Le problème, c'est ceux qui n'ont pas le nombre d'années cotisées complet, qui sont en dessous du seuil de pauvreté la plupart du temps. C'est le cas des femmes et des carrières précaires, parce qu'elles ont dû s'arrêter en cours de route et que l'essentiel des emplois précaires sont des emplois féminins aujourd'hui. Donc c'est bien réussi, ils font croire un truc qui n'existera jamais. Vous battez pour le retrait de cette réforme. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne la connaît pas, la réforme. Ben, on connaît les principaux principes. On est quand même, ils vont pas inventer l'eau chaude, hein. Le système de retraite par points, on sait comment ça marche. ils ont à peu près dessiné le profil. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde va y perdre. Il y a le même système, ou à peu près en Suède, 90% des femmes y ont perdu, 70% des hommes y ont perdu. Par conséquent, on sait que tout le monde va y perdre. D'ailleurs, c'est pas fait pour vous y gagner, Caroline Roux. Il faut un peu, il faut être moins naïve, hein. Il faut pas croire que c'est des gens bienveillants. Ils sont là pour arriver à un résultat. Okay. Dans leur tête à eux, ils veulent que tout le monde ait une petite pension et que tous ceux qui ont un salaire un peu au-dessus de la moyenne se payent eux-mêmes leur retraite en capitalisant, en achetant des fonds de pension. Voilà. Ils ont prévu, en douce, en cachette, ils ont déjà fait ça dans la loi PAC, tous les sous que vous mettez dans votre retraite par capitalisation, eh bien, vous pouvez les retirer de votre impôt sur le revenu et vous n'avez pas d'impôt quand vous le touchez, vous comprenez ? Ça veut dire que si le projet qu'il y a derrière, ce que vous dites, c'est la fin de la retraite par répartition. Mais il y a une retraite par répartition aussi aux États-Unis. Mais ils vous donnent une toute petite chose et vous disent « Oh là là, vous n'avez pas assez, il faut faire des économies et placer dans un fonds de pension ». Donc vous, tous les cadres qui m'écoutez, vous savez que vous allez passer à la toise. Mmh. Parce que pour avoir un revenu à votre retraite qui soit suffisant, vous allez devoir aller cotiser au fonds de pension. Écoutez-moi bien, Caroline Roux, c'est absurde. Vous allez mettre de l'argent dans la bulle financière, vous allez diminuer votre salaire mensuel de ce que vous aurez mis de côté, que vous ne mettrez pas dans la consommation, et donc ça ne fera pas tourner les entreprises. Tout ça est absurde. Mmh. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis surtout, je vais vous dire, c'est de la philo aussi. Ah bon ? Ah bah ouais, on vit ensemble ou pas ? C'est chacun pour soi ? Avec ses petits points, son arrangement, ou bien, comme on le fait depuis que l'humanité existe, ceux qui peuvent bosser aident ceux qui n'y arrivent plus ou qui doivent aller se reposer. Eh bien, moi, je choisis tous ensemble. Puis c'est la réforme du chacun pour soi ? Ben là, ben, c'est celle qui le présente ? Mais écoutez, ils sont terribles, ils sont très forts en com. Ils vous disent, 1 euro donnera les mêmes droits. Ben oui, sauf que c'est pas vrai. Puisque chaque génération ne saura ni à quel âge elle peut partir, et quand elle part, combien elle aura. Ça veut dire qu'à la place de 42 régimes spéciaux qui concernent 3% de la population, vous aurez 100% de régimes spéciaux, chaque génération n'aura pas le même régime que l'autre. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous dites sur votre blog, cette semaine est celle d'une confrontation majeure. Est-ce que c'est un mouvement syndical contre la réforme des retraites, ou est-ce que c'est la suite des Gilets jaunes ? C'est les deux, hein, parce que la France est travaillée par un sentiment de dégagisme. Ils ne supportent plus la représentation, quelle qu'elle soit, la représentation politique, les journalistes, les policiers, les magistrats. Il faut essayer de comprendre ça au lieu de le mépriser. Et dans tous les pays du monde, on voit que ça se produit et qu'on arrive au bout d'un système. Et puis, vous avez, tout à l'heure, on a vu les gens qui pataugent dans la bouillasse parce que y a des inondations. Donc, on est confronté maintenant au grand défi du changement climatique. Donc, c'est le moment. C'est ça qui se joue aussi, là, à partir de demain. On apprend à serrer les coudes ou chacun pour soi. Chacun balaye devant sa porte, ou bien on essaye tous de régler les problèmes. Il y a des gens qui vous regardent ensemble. Ce matin et qui ont peut-être été vexés que vous les traitiez de moutons, qui se disent moi je vais devoir demain aller travailler, ça va être galère et je vais essayer de m'arranger, mais je vais pas pouvoir faire grève et je vais aller travailler. Oui, mais les gens ils sont pas aussi tordus que ça. Ils comprennent ce que je veux dire. Ils comprennent qu'il faut savoir résister dans la vie parce que tous dans leur vie ont une fois ou l'autre résisté. Et ils savent très bien justement que si demain ils ne peuvent pas faire la grève. Bon, comme de toute façon, ils ne pourront pas se transporter, l'affaire sera entendue. Mais ils auront la possibilité, samedi, d'être dans les rues, parce que samedi, il y aura des marches et des manifestations partout. Moi-même, à Marseille, à l'appel de l'UDE-CGT et d'autres syndicats, nous allons marcher samedi dans la rue. Donc, il y aura 5 à 7. Ça va durer, ce mouvement ? On se dit tous, est-ce qu'on va rejouer 95 ? C'est ça, ce qui peut se passer ? Si on rejouait 95, ce serait déjà pas mal, parce qu'en 95, c'est nous qui avons gagné. Donc on a empêché de dévaster le système de retraite. Bon, maintenant, moi, je le souhaite. Bien sûr, je souhaite que M. Macron connaisse un échec. Je ne peux pas dire que ça m'est égal, que c'est un jeu, qu'on verra bien, parce que je ne me sens pas personnellement concerné. Il s'agit de la cohésion de la société. Bon sang, est-ce qu'on est un pays ? Est-ce qu'on est une nation ? Est-ce qu'on est un peuple ensemble ? Ou bien chacun fait ses petites affaires et la société est comme une espèce de magasin dans lequel on va se servir, chacun sa petite retraite, sans s'occuper de l'autre et sans savoir ce qui arrive aux autres. Pardon, Madame Roux, moi je vais vous dire, cet été j'étais dans un pays où il y avait des gens de 70 ans au travail, au bout de la chaîne de paiement. C'est ça qui nous attend ? Eh bien exactement, et moi j'avais envie de pleurer, je vous le dis, parce que je supporterais pas d'y voir ma mère ou d'y voir mon père dans cette situation. Alors, je dis aux gens, réfléchissez bien. Si vous laissez faire, ne croyez pas que vous allez vous en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai. C'est une réforme qui n'est faite que pour quelques-uns, et ces quelques-uns vont s'en mettre, comme d'habitude, plein les poches, et vous tirerez la langue. Donc, moi, je propose qu'on parte après 40 annuités, à 60 ans, parce qu'il faut partir tôt si on ne veut pas être brisé, qu'il n'y ait plus une seule retraite incomplète en dessous du seuil de pauvreté. Et il y aura un équilibre financier. Mais évidemment, c'est très facile à trouver, bon. Ça. C'est le plus simple. Bon. La préfecture s'inquiète des violences et demande notamment aux commerces qui sont sur le trajet. Ça, ils donnent du mal pour faire peur à tout le monde. Je viens de mettre ma question. Sur l'itinéraire de la manifestation à Paris, il y a 5000 hommes qui seront mobilisés. Donc les commerces vont fermer leur devanture. On s'attend à des violences, dit la préfecture. Ce serait dommage si le mouvement social était entaché de violences. Tout à fait clairement. Moi, j'y suis totalement hostile. Les violences n'ont qu'un seul résultat. Elles invisibilisent le mouvement social. C'est-à-dire que bon, on ne parle que de ça. Et d'ailleurs, c'est le but d'un certain nombre de gens qui pensent que c'est bien comme ça. D'autant que souvent, les violences apparaissent tout à fait étranges. Elles surgissent à un endroit, on se demande pourquoi. Il semblerait qu'on serait capable de mieux contrôler ça. Plutôt que de tirer dans la figure des gens, mieux vaudrait contrôler ceux qui sont vraiment violents. Le dernier qui a perdu un œil, il était tout tranquille dans son coin en train de parler. Ça veut dire que vous appelez la préfecture de police à bien faire son travail. Je l'appelle à respecter le droit de manifester et à bien comprendre que son boulot n'est pas de réprimer la manifestation, mais d'empêcher la violence et de garantir la tranquillité publique de ceux qui manifestent. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Dans son yeux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui, sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour privilégier toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. C'est bien sûr qu'ils sont des enfants, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont fragiles, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont dévastateurs. Je suis Don Quixote, chevalier errant de la Mancha, et ma noble dame est Don Dulcinea. Je suis Don Quixote, chevalier errant. Dulcinea. Je lui ai voulu un moment de partir. Oui. De plus chanter. Je ne comprenais pas parce que il aime chanter. Brel, ça se voit quand il chante, ça se sent. Il a une présence extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. Et j'ai compris en faisant une chose que je n'avais jamais faite. Moi, j'ai longtemps chanté. Pendant 3 mois, presque sans m'arrêter. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Eh bien, on va parler de la 3 ans, ce qu'il a fait pendant 3 ans. Je comprends qu'il soit. Pas 3 ans, plus que 3 ans. Je sais pas, je crois. Ouais, c'est pour ça que ça. J'ai eu 11 ans à 325 tours de chant par an. C'est pour ça que tu t'es arrêté? Non. Non, je veux dire que. Non, pas la fatigue. Pour faire autre chose. Non, pas là-dedans. Non plus. C'est une façon de. Oui. Pour faire autre chose. Pour faire autre chose, oui. Pour... Ouais. Par lassitude ou vraiment par plaisir? Pas du tout, parce que je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. D'accord. C'est tout. Parce que je ne l'ai jamais fait beaucoup. C'est impossible de faire les deux choses en même temps. Mais est-ce que c'était prémédité ou est-ce oui, que... Oui, c'était très prémédité. Oui. C'est pas venu du jour où vous êtes allé voir... Enfin, il n'a jamais travaillé que depuis qu'il s'est arrêté de passer en public. À autre chose. D'accord. Là, il dit que c'était prémédité. Ça veut dire qu'il avait réfléchi avant? Moi, il ne m'en avait jamais parlé. Il a fallu que je lui demande si vraiment c'était vrai. Je pense qu'il n'a pas dû oser lui en parler. Ça devait être très, très difficile pour lui, très difficile. Mais c'est un formidable acte de bravoure d'arrêter cette drogue-là qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la passion, qui s'appelle l'échange, qui s'appelle la rencontre. Attends. Dur. Il avait horreur du statut de vedette. Il avait essayé une chanson, ça s'appelait « Agen ». Et c'est le gars qui est bourré, et puis... Et il a chanté ça à 4 pattes sur la scène, le dos au public. Il a fait un triomphe. Alors il est venu vers moi, il m'a dit « T'as vu comment ça tourne ?» Je peux faire n'importe quoi. Et ça, ça lui plaisait pas du tout. Ça, c'était aussi un déclencheur pour partir, parce que c'était trop. J'ai arrêté le tour de chant pour des raisons d'honnêteté, pratiquement. En fait, pas pour des raisons de fatigue, pour des raisons d'honnêteté. Parce que quand on arrive à avoir une certaine technique ou certaines facilités, c'est pas, ou un certain pouvoir, je crois, quel que soit l'homme, il arrive par moments à avoir la tentation de tricher et finissent très souvent par succomber à cette tentation. Et j'étais à ce moment où j'allais peut-être commencer à tricher. Ensuite, j'avais envie d'essayer un certain nombre de choses, trouver une autre forme, enfin, pour tout ça. Et je crois que cette forme, c'est peut-être bien la comédie musicale. C'est au fond une chanson qui dure 2h17. Suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps. ma désespérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour leur d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Il faut être solitaire et malheureux pour faire de grandes choses. Ah oui! Ah oui, les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls. Et alors, ouais, comme l'artiste, comme ils veulent donner, l'artiste c'est un brave homme qui est totalement inadapté et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'un type normal dit à sa bobonne le soir. Voilà. C'est une forme. Ouais, c'est enfin, une maladie. Fois, il le dit mieux, quand même. Comment? Des fois, il le dit mieux. Oui, des fois, il le dit mieux. Mais enfin, il y a de ouais, ça. Plutôt ce qu'un type normal, pourrait dire à sa bonne femme. À sa bonne femme. Oui. Voilà. C'est un timide, c'est un type qui n'ose pas aborder les choses de face et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'il devrait dire d'une manière courante dans la vie. Il le fait avec la timidité, s'accompagne toujours d'une certaine pudeur. D'une certaine pudeur, d'un truc. Et un peu d'orgueil aussi. Et d'orgueil, bien sûr. Bien sûr, parce que comme il ne parle pas publiquement, en principe, il entend dire tellement de sottises qu'il finit par en retirer un certain orgueil. C'est une chose, ça fait. C'est très médical, je trouve. C'est très clinique, l'artiste. En gros. Ouais, mais ils ont raison, ils ont tous les trois raison. Sinon, il y a toujours cette part de jeu, quand même. Voilà. Il y a toujours cette timidité dont il parle, elle est là. Ils ne disent pas la totale vérité, jamais. Comme parfois dans un coup de colère, dans un coup de gueule. Mais sans ça, il y a toujours... Moi, je le sens. Parce que je le connais. Je le connais bien, ce jeu-là. C'est aussi sournoise qu'eux. Hein. On sait bien comment ça fonctionne. Aussitôt qu'il y a un partenaire, il y a cette espèce de sens du jeu. Cette espèce de... D'abord, il y a le désir de séduire, qui est très très fort chez eux, très fort. Peut-être plus fort encore que chez certaines femmes. Ils sont très féminins, quelque part. J'aime bien les gars qui disent... Oh, ça me fait mal. C'est pas tout à fait de la faiblesse, c'est aussi peut-être de la sensibilité, enfin, de la tendresse ou de la chaleur. En réalité, ce sont des hommes qui ont mal aux autres. J'aime bien les hommes qui ont mal aux autres. Vous n'aimez pas les gens cuirassés? Ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. Ils le font croire, peut-être. Oui. Ils veulent le faire croire. Oui, ils aimeraient bien le faire croire. Ça n'existe pas. Tout le monde pleure dans son lit parfois. On a besoin des autres, besoin des autres. De toute façon, on est, je crois aussi, tous les trois trop vulnérables. Beaucoup plus enfants qu'on ne croit en définitive. Mener une espèce de vie en dehors de la vie réelle. En dehors de la vie réelle. J'ai trouvé d'abord passionnant de voir petit à petit d'oublier que c'est Brel, Brassens, Ferré, parce que petit à petit on voit trois hommes. comme trois hommes dans un bateau. Trois hommes qui discutent, et à un moment donné, je voyais vraiment... c'est comme un café où t'as trois mecs qui s'estiment, qui s'aiment beaucoup, et qui ont du plaisir à correspondre ensemble, et que pour moi, ça les humanisait beaucoup, quoi. C'était pas trois mythes, c'est trois hommes, quoi. Il faut jamais le perdre de vue, ça. Mais tous les, de toute façon, tous les grands artistes que j'ai eu le bonheur de rencontrer, je me suis rendu compte très vite qu'au bout de cinq minutes, la façade, c'est toi qui l'as créée, parce que pas du tout. La première fois que je me suis assis en face de Ferré, j'ai dit oh, « Mon Dieu, je suis en face de Léo Ferré, quoi. » Et au bout d'un moment, il dit rien, et puis on amène à manger, ils avaient commandé, quoi. Et il dit « Dégueulasse !» Et immédiatement, tu sais ce que je pense, Léo Ferré, il dit « Dégueulasse !» J'ai dit « Il a dû lire un truc dans le journal qui est révoltant sur un truc qui s'est passé dans le monde et qui est absolument dégueulasse, quoi, tu vois. » Et je dis « Qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse, Léo, tu vois ?» Tentative de... Il dit « La soupe, dégueulasse. » La soupe qui m'en... J'ai éclaté de rire parce que je m'attendais à tout. Tu vois, je l'avais idéalisé. On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société, puis je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais les solutions collectives, si je savais ce qu'il faut faire, si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferais, je la sacrifierais, ma petite tranquillité. Bien sûr. Pas. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose ? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui, voilà, c'est ça. Mais désespéré comment ? Ben, désespéré, sans espoir, en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux. Quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de l'impuissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que Léo Ferré l'a ne moins. Dites pas que je de ne rien pouvoir faire. De ne rien non, je fais faire. Quelque chose non, moi, auprès connais... de mes amis, auprès de mes non, voisins, c'est ça. Dans ma petite, dans mes limites. Oui. Oui, je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part, oui. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas moi, crier haro sur le baudet, au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre, vous voyez. Aujourd'hui, il y a une espèce de bipolarisation de la vie politique qui n'existait pas avec cette intensité probablement avant. Il y avait quand même une certaine complexité. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus dans le binaire, dans le face-à-face... chacun est tenu d'avoir une opinion, si possible, définitive et cassante. Et alors c'est vrai que, naturellement, Brassens est aux antipodes de ça, et que on voit bien de quelle manière il a ce côté un peu prof de philo, qui navigue en permanence entre « oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, on pourrait dire que », etc. Donc, une espèce de modérateur, et qui, quelque part, quand même l'arrange aussi, parce que comme ça, il ne s'engage pas non plus. On sent qu'un Brel ou un Ferré, eux, ils jouent au contraire le registre inverse. C'est-à-dire le registre un peu de la folie pour Brel, il le dit dans plusieurs répliques. Ou alors le registre de la provocation, évidemment, Léo Ferré, dans son personnage d'écorché, écorché dans sa vie personnelle, écorché après mai 68. Et ce qui lui permet d'ailleurs, dans ses excès, de dire de très très belles choses aussi, hein, indiscutablement. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et à la pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais. que lorsqu'on a peur de les anarchistes. Je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque. Pour Brel, ça a été un surnom. Pour Ferret, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels. C'est un problème qui est difficile, parce que d'abord, l'anarchisme a fait rigoler tout. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du XIXe siècle, parce qu'il y avait des bombes. Hein. Bon, il le sait bien, lui. Bon. Après, ça a fait rigoler les gens. Parce que l'anarchisme, puis le mot anarchie, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place. Et puis, je vous assure que les gens, quand vous dites, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Ils rigolent plus, puis et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer, parce que j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchie. Il n'y a pas quand même un véritable dogme. Vous voyez, voilà. Il y a une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'était une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Alors Léo avait une haine viscérale, mais vraiment, vraiment profonde du pouvoir. Ça, c'était vraiment les tripes. Mais attention, Léo avait étudié Proudhon, il avait lu Bakounine, il avait lu Kropotkin. C'était quelqu'un qui, quand il disait « je suis anarchiste », il savait parfaitement de quoi il parlait. Les gens ont peur de ce mot « anarchiste ». Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire « anarchie » ? Ça veut dire la négation de l'autorité. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face, je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose, je veux définitivement être une lavette. Vous comprenez? On imagine un anarchiste avec la panoplie de Ravachol. C'est idiot. Voilà. Il a écrit des articles dans Le Monde Libertaire, le journal de la Fédération Anarchiste. Il a écrit des articles dans La Rue, qui était la revue du groupe Louis Michel de la Fédération Anarchiste, même encore très peu de temps avant sa mort, dans une petite revue, pardon, qui s'appelait La Cannibale, qui émanait de la Fédération Anarchiste. Il avait encore écrit un texte. Donc voilà, il écrit. Du moment on lui téléphonait en lui disant hey, « Léo, j'ai besoin d'un coup de main », hop, tout de suite, Léo était là. Quoi. Léo était d'une gentillesse extrême. Et la gentillesse, ça paraît être un compliment, ce que je dis là. Mais non, ce n'est pas un compliment. Parce que quand on est trop gentil, ça devient un défaut. Léo, par exemple, avait du mal à dire non. Il ne savait pas dire non. C'était un peu... Pour lui, c'était un... Oui, non aux flics, non au pouvoir. Ça, oui, là, c'était facile. Mais quand un copain venait lui demander quelque chose, tout de suite, il disait oui. Et quelquefois, ça l'embarquait dans des histoires où il n'avait vraiment pas du tout envie d'aller, quoi. Qu'est-ce qui est le plus grave dans l'avenir du monde pour vous? Celui qui est peut-être plus grave, c'est que l'homme perde son individualité, son espèce de liberté. Je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, quoi. Cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant, quoi. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque, sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tout ce... toutes les espèces de groupes qui viennent autour de nous et qui nous crient ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. Georges a toujours été libertaire. Il disait, moi, je marche dans les clous pour ne pas être emmerdé par les flics. Et je ne marche dans les clous que parce que je ne veux pas avoir affaire à la marée chaussée. fameuse marche de Radetzky. Je le prends surtout en flagrant délit de mentir, c'est-à-dire que quand vous savez que par démographie, on va être plus nombreux à être des seniors, et qu'en même temps vous dites, eh ben nous, il est hors de question qu'on dépense plus pour ces seniors-là, c'est que bien évidemment, vous allez appauvrir de manière mécanique ces seniors. Donc on va arrêter de mentir, on va arrêter de tourner autour du pot. Les gens ont très bien compris de quoi il s'agissait, ils ont très bien compris le mépris du gouvernement et le manque total de compassion et d'humanité. Et là-dessus, je voudrais juste dire un mot. Vous savez, samedi, sur ce plateau, je vous ai parlé d'un gilet jaune de Manu qui a été éborgné. Oui, on en a beaucoup parlé. Vous en avez parlé. Cette semaine. Vous en avez parlé, mais moi je voudrais en reparler parce que ce jeune homme, aujourd'hui, il est dans la plus grande difficulté. Emmanuel Macron n'a eu aucun mot pour lui. Aucun. Il ne s'est pas déplacé. Aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé pour aller le voir. Parce qu'en ce moment, il est hospitalisé à Lille. Et il a perdu son œil. Il a perdu son œil. Il est dans la plus grande détresse, dans la plus grande souffrance. Quel lien faites-vous avec le 5 décembre ? Ce que je fais, c'est que les gens ont vu. Les gens ont vu le mépris, justement, de ce gouvernement. Aujourd'hui, ce jeune homme, je terminerai juste là-dessus. Il a ouvert une cagnotte et j'invite vraiment le plus de monde à montrer son soutien. Même si c'est qu'un euro, 5 euros, mais montrez-lui le soutien. Vous y voyez la preuve qu'il n'y a pas de négociation possible avec le gouvernement sur cette question des retraites ? J'y vois le lien. Que ce gouvernement méprise le peuple. Il le méprise. On négocie pas avec des balles de LBD, monsieur. Et on négocie pas en insultant en permanence ceux qui protestent et ceux qui manifestent. En saccageant Paris, cher monsieur. Parce que vous dites que ce gilet jaune a saccagé. Je réponds à monsieur Lucas. Dites-le. Non. Est-ce que vous condamnez la violence ? Est-ce que vous condamnez la violence ? La violence, quelle qu'elle soit, je la condamnerai toujours. Est-ce que vous apportez votre soutien aujourd'hui à Manu ? à ce jeune homme. Je suis en train de répondre à monsieur Lucas. Répondez à ma question. En l'occurrence, je n'ai pas les éléments de l'enquête. Quand on a un État qui répond par la force et qui n'a que le mot brutalité, répression, réprimande, amende, tout ce que vous voulez, mais jamais à l'écoute, ne vous étonnez pas que plus personne ne veuille venir à vos tables de négociation, parce que vous ne négociez rien en fait. Vous ne faites que du blabla, vous ne faites que des grands débats. Vous n'avez jamais eu envie le début d'un début de dialogue avec nous. Tout ce que vous voulez, c'est faire passer vos réformes coûte que coûte, et on sait très bien que derrière les perdants, ça sera les 99% à qui vous ne faites jamais la place. Aujourd'hui, le 5 décembre, les 99% vont reprendre la place. C'est eux qui vont reprendre les rênes de la République et de la démocratie. Le Front populaire célèbre ses 80 ans cette année et de nouveau, il sera invoqué par les opposants à la loi travail. Les syndicats appellent à manifester jeudi, mais que s'est-il passé au printemps 1936 ? Le pays traverse une crise économique et début mai, les élus d'une coalition de gauche, le Front populaire, remportent les législatives. Mais alors que le gouvernement de Léon Blum n'est pas encore constitué, des grèves éclatent partout en France. La grève, qui s'est étendue à de nombreux corps de métier, donne à Paris un aspect inattendu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue. Toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement. Les salaires étaient bas. Nous sommes allés à Matignon présenter des fiches de paye au patron dont ils ne se vantaient pas. Ils pouvaient simplement redire qu'ils ignoraient cela. Les discussions ont été très difficiles. Non, pas difficiles du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon, les avancées sociales sont exceptionnelles, bien résumées dans cette reconstitution de l'époque. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Mais au printemps 1938, le Front populaire se disloque. Le nouveau gouvernement supprime plusieurs acquis. Des milliers de syndicalistes sont licenciés. C'est la fin d'une échappée belle. Une petite revue de presse, médias audiovisuels. Pourquoi une nouvelle loi pour l'audiovisuel ? La dernière loi datait de 1986, avant la création d'Internet. Il fallait tenir compte de la révolution numérique et technologique, des nouveaux usages et des attentes du public. Cette loi permet de préparer la télévision et la radio du 21e siècle. Alors c'est une loi, un texte qu'il faut sans doute lire très attentivement. Parce que tout ce que font ces gens est suspect a priori. Bah oui, chaque fois on s'est fait avoir. Hein. On a vu qu'il y avait des mauvaises nouvelles à apprendre. La maternité de Remiremont, point d'interrogation. Le 10 janvier, un communiqué de l'ARS a confirmé le maintien de la maternité de Remiremont. Affaire à suivre. Réaction de Jean Pierrel, président de l'ADEMAT. Lors de la rencontre du 30 janvier au ministère de la Santé, devaient être présentées les conclusions du comité de pilotage, COPIL, et de l'audit pour réduire le déficit des deux hôpitaux. Déficit qui est dû, faut le signaler, au fait que l'hôpital d'Épinal est en reconstruction. Alors si on introduit dans la facture de l'hôpital ce qui est normalement devrait être du fonctionnement, si on introduit de l'investissement, évidemment, ouais. Bon, enfin bref, passons. Passons pour l'instant. En fait, de conclusion, le directeur des deux hôpitaux a été très clair au 2-2 et au 19-20 de FR3. Ce qui coûte très cher, c'est la permanence des soins. C'est-à-dire avoir des services ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an, un premier moyen de desserrer cette contrainte, de ne pas avoir 24 heures sur 24, 365 jours par an, deux services identiques à 20 km, à quelques 20 km. Alors, ce monsieur, il ne doit pas être au courant que Épinal et Remiremont, ça fait une trentaine de kilomètres, pas une vingtaine, une trentaine. Le même raisonnement qu'il y a deux ans pour la maternité, mais maintenant pour toute l'offre hospitalière. Un autre moyen avancé, c'est de déclasser le niveau d'agrément de la maternité de Remiremont, autrement dit, de supprimer son service de néonatologie. C'est inacceptable. Cela amènera une baisse des naissances et entraînera des accidents avec des décès de nouveau-nés sur des pathologies aiguës que nécessitent des extractions d'extrême urgence dès l'entrée sans possibilité de transfert. La suppression de la PDS à Remiremont aggravera pour les gens des vallées et de la Haute-Saône leurs indicateurs de santé. Par exemple, la mortalité prématurée avant 65 ans est de plus 20%. Voilà, on est bien gouverné, hein. Ah oui, oui, on a bien voté la dernière fois. Et puis la fois précédente, et la fois précédente aussi, hein. Oh là là là là. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse avant de voter. Parce qu'on réfléchit souvent beaucoup après avoir voté quand on voit les résultats. Et ben non, il faudrait qu'on réfléchisse avant. Ah oui, pour ne pas commettre d'erreur, parce que ça soit Chirac, je remonte pas plus loin, mais on pourrait, hein, oh là là, Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron, ben oui, c'est pas terrible, hein, l'électeur moyen français, il est moyen, quoi, il est très moyen, voilà. Ben oui, on est moyen sur le plan scolaire, hein, à l'échelon international, il paraît, hein. Ah oui, oui. On est 23e ou 24e sur 50. Eh oui, ben oui, c'est comme ça, quoi. L'analphabétisme serait peut-être en train de faire des progrès en France. Allez savoir comment, allez savoir pourquoi. Moi, j'ai bien mon idée, mais il faudrait une émission pour parler de tout ça. Y a-t-il assez de médecins généralistes à Remiremont? Point d'interrogation. Et que répondez-vous? Ben, vous pouvez téléphoner à RGM quand l'avis vous en prendra, puis vous donnez votre avis sur le sujet. Les camions Maufray font le choix du gaz. Ah, ça c'est bien, parce que le gaz c'est moins cher, et puis le gaz c'est nettement moins polluant. Eh oui, alors bon, ben, il y en a quelques-uns, hein, faut pas... Bon. Alors, Bernard Arnault, 800 euros par seconde il gagne. À lui seul, il pourrait payer toutes les retraites. À lui seul, il pourrait payer toutes les retraites, Bernard Arnault. Rouen, l'inquiétude demeure. Les autorités assurent que les émanations issues de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, classée Céveso, ne sont pas dangereuses. Sur place, les habitants doutent. Des politiques demandent que toute transparence soit faite. C'était le samedi 28 septembre 2019. Hein, nous sommes à la fin de l'année 2019. Est-ce qu'on a fait le bilan de cette opération Lubrizol, enfin de cet accident-là? Eh bien, pas tellement, non. Les médias et le gouvernement, parce que le gouvernement et les médias, c'est un peu la même chose, c'est même quasiment la même chose, quasiment pour tout. Eh bien, voilà, hein, ils se sont mis un baillon sur la bouche, et puis voilà, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Les gens doivent se débrouiller pour être informés. On paye un abonnement au journal pour ne pas être informé. On paye, voilà, la télé, tout ça, avec nos impôts, et on n'est pas informé quand même. Hein, ben oui, ben, parce qu'un électeur informé, ce sera un électeur qui voterait autrement peut-être. Voilà. Hein. Alors, ça démarre très fort. Ça, c'est le vendredi 6 décembre 2019. Oui, ça démarre très fort, le mouvement social. Eh oui, il y avait du monde plein les rues, 800 et quelques mille personnes, d'après certains, et puis plus d'un million d'après d'autres. Bon, voilà. Ouais. Moi, j'aurais tendance à croire les deuxièmes, hein, à penser qu'on était plus d'un million à défiler dans les rues pour exprimer notre mécontentement face à la politique de Monsieur Macron. Politique, manifestation, pression maximale sur l'exécutif. Alors, il y a des gens qui défilent dans la rue, là, et ils portent une pancarte, et sur une pancarte, il y a un portrait encadré, entouré d'un beau cadre, hein, doré certainement, la photo en noir et blanc on voit pas, mais un beau cadre doré certainement, avec un monsieur qui porte une médaille, un costume de l'ancien régime, une perruque, comme du temps de l'ancien régime, mais il n'a pas la tête de Louis XVI, il a la tête de monsieur Macron, voilà, pression maximale sur l'exécutif. au maximal. Ça viendra au maximal, on n'en est pas encore au maximal. Le maximal, ça sera vraiment très très fort, ça sera très dissuasif pour ces gens-là d'avoir envie de rester au pouvoir. Hein. On se battra jusqu'au bout contre ces systèmes de retraite, disent les manifestants. Service minimum pour les commissariats vosgiens. Tiens, les policiers, eux aussi, commencent à réaliser que, ben voilà, qu'on ne les traite pas comme on devrait les traiter. Eh oui, que ce soit salaire, conditions de travail, ce qu'on leur demande de faire, hein, parfois c'est pas très ragoûtant, hein, ils sont rentrés dans la police pour faire un autre métier que celui-là, hein, monsieur, n'est-ce pas, monsieur Castaner, hein, voilà, le chat noir sanctionné après, ben oui, ils obéissent aux ordres, mais bon, le chat noir sanctionné après l'agression d'un handicapé vosgien. Alors, sous le coup d'une fermeture administrative depuis le 15 novembre, suite à une rixe qui a occasionné des blessures graves à un jeune vosgien handicapé, l'exploitant de la boîte de nuit, le chat noir, a demandé à référer l'annulation de l'arrêté, faisant prévaloir un manque à gagner de 350 000 euros. 350 000 euros, on gagne bien de l'argent avec ces boîtes-là, hein. Ouais, ben c'est du chouette. Oh là là là. Alors, Merkel, bientôt toute seule. Le congrès du SPD, Parti Socialiste Allemand, devrait poser des conditions au maintien des sociaux-démocrates dans la coalition au pouvoir. En cas d'échec des négociations, la chancelière allemande pourrait se retrouver isolée. Oui, et puis, elle manifeste ces temps-ci contre les camps de concentration et d'extermination qui avait été mis en place par l'Allemagne nazie. Elle dit qu'il faut que le peuple allemand se souvienne de ça, qu'il se souvienne bien de tout ça. Eh oui, parce que le peuple allemand, comme les autres, ont tendance à oublier les saloperies qui ont été subies et les saloperies qui ont été faites. Les crimes monstrueux, les crimes contre l'humanité. Les camps de concentration, c'était des crimes contre l'humanité. Policiers brûlés, un verdict contesté. 3 ans après l'attaque au cocktail Molotov contre les forces de l'ordre, la cour a condamné 8 jeunes à des peines de 10 à 20 ans de réclusion, tandis que 5 autres ont été acquittés, une décision qui ne satisfait apparemment personne. Bon, il faudrait voir dans le détail ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ça, je peux pas vous le dire, c'est pas marqué dans l'article. Une nouvelle vie sur scène pour le journaliste Alain Quetrer. Il fait du théâtre maintenant. Voilà. Ensuite, regain d'intérêt pour les langues anciennes. Un frémissement en faveur du latin et du grec serait en train de gagner en collège et lycée. Voilà. Eh ben oui, ben oui, tiens, on apprend bien, on nous fait bien des émissions dont les titres, ou les moitiés de titres, ou les trois quarts de titres, ou les huitièmes de titres sont en anglais, alors que la plupart des Français ne parlent pas l'anglais. Ou assez mal, moi je parle très mal, hein, je comprends très mal, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est énervant de voir qu'on contredit l'article 2 de la Constitution française de 1958 qui dit, article 2, le français, la langue française, est la langue officielle de la République française. Fuite de gaz dans le quartier du Rumont, 450 logements impactés. Ah, fuite de gaz. Il y en a peut-être d'autres à détecter les fuites de gaz parce qu'il y a des conduites qui sont apparemment pas enterrées très profondément. Et puis il n'y a peut-être pas une couche de sable trop épaisse dessus ou dessous, ou les deux. Voilà, alors il faut dénoncer les casseurs dans les cortèges. Alors les casseurs, est-ce que ce ne sont pas les black blocs, les casseurs? Est-ce que les black blocs, ce ne sont pas des gens... qui mettent une sorte d'uniforme juste pour jeter le discrédit sur les manifestants. On fait de la casse, et après les journalistes crient « Ah, les manifestants, ils ont cassé !» Non, c'était pas des manifestants, c'était des agents spéciaux qui étaient introduits dans la manif pour faire de la casse, pour jeter le discrédit sur les manifestants. Eh oui, ça s'appelle les provocations, les agents provocateurs. Les émissions de CO2 augmentent, mais moins vite. Ah, bon, eh ben c'est bien si ça augmente moins vite. Alors, sa maladie ne l'empêche pas de penser aux autres. Atteint de leucémie, hospitalisé depuis de longues semaines, Nicolas, le coiffeur de la rue du Boudiou, est revenu récemment dans son salon avec une générosité naturelle encore exacerbée. Il a mis en place une collecte de jouets pour les enfants malades. La générosité. La chasse au gaspillage est entrée dans les esprits. Les Français évitent d'acheter ce qu'ils ne sont pas sûrs de consommer et sont prêts à aller plus loin pour ne pas jeter plus. C'est en tout cas ce qui ressort de l'enquête mensuelle sur la vie quotidienne. Oui, parce que, bon, cannabis seulement thérapeutique. Oui, le cannabis sera peut-être autorisé, mais seulement à des fins thérapeutiques. Ça, bon, admettons, on va le croire, hein, espérons. L'arrêté anti-pesticides annulé. Ça, c'était le 26 octobre 2019. La justice a annulé jeudi l'arrêté pris en mai par le maire de Langouette, près de Rennes. Avec cette initiative, Daniel QF a fait des émules. Le débat reste ouvert sur l'utilisation des pesticides. Voilà, voilà. Alors, s'il y en a qui sont contre les pesticides, les glyphosates et autres pesticides, eh bien, il faut manifester, il faut se manifester. Il faut se manifester là où il y a du monde, là où il y a du public, c'est-à-dire de jour, quand il ne fait pas trop froid, et dans la rue, dans les lieux fréquentés par le monde, par le public. Hein. Zoom sur l'histoire oubliée des travailleurs indochinois. Voilà, ben oui, il y a eu des groupes de travailleurs indochinois qui sont arrivés à temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Des gens qu'on a réquisitionnés, qu'on est allé chercher sans leur demander leur avis, et on les a embarqués pour venir remplacer les prisonniers de guerre qui travaillaient. Ils travaillaient, les prisonniers de guerre, oui, mais ils travaillaient pour l'économie allemande. Eh oui, ils n'étaient pas très contents, mais bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix. À part essayer de s'évader, il n'y avait pas tellement de possibilités, enfin, de résister. Oh, si, il y en a qui l'ont fait quand même, hein. Oh, il y a eu de temps en temps une clé à molette qui tombait dans une boîte de vitesse de locomotive. Le gars, il n'avait pas fait exprès. Hein. Bon, non. Le fichage à la Banque de France. Vous êtes en retard dans le remboursement de votre crédit. Vous avez émis un chèque sans provision. C'est l'inscription dans l'un des fichiers d'incident de paiement de la Banque de France qui vous pend au nez. Eh oui. C'est comme ça. Moins en dessous, moins plus on paye. De plus en plus de jeunes viennent se renseigner. Addictologue, tabacologue, le docteur Pascal Berrier, à la maison médicale Saint-Jean d'Épinal. Alors, maison médicale Saint-Jean d'Épinal, ça fait partie de l'hôpital public, hein, d'Épinal. Ça, on continue à dire clinique Saint-Jean, mais non, c'est un hôpital public maintenant. Eh oui. Ah ben, tiens. Ce que pensent vraiment les collégiens, un enseignant d'histoire géo au collège sonde chaque année ses élèves sur leur univers, leurs attentes, leurs rêves. Il vient d'en faire un livre drôle et touchant, recensant les plus belles perles, mais pas seulement. Voilà. Ah ben les perles, oui, ça c'est... Il y a de quoi rire, hein, quand même. Et bon. Voilà. Commission, pourquoi breton ? Après le rejet par les Européens de Sylvie Goulard, le président français propose Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, et actuel patron de la société des services numériques Atos, pour le poste de commissaire européen chargé d'un vaste portefeuille du marché intérieur. Alors, est-ce qu'il a été admis à l'examen d'entrée? Je ne sais pas trop, je crois bien que oui, hein. Je crois bien que oui, mais est-ce que c'est une bonne chose, à votre avis? Est-ce que c'est une bonne chose? Oh ben, on verra à l'usage, hein. Alors, je suis tombé, tiens, sur des trucs, des petits slogans qu'on voit ici ou là, de temps en temps. Alors, il y a, par exemple... Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier ministre s'occupe personnellement de l'emploi, surtout du sien. Alors, autre chose, homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. C'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience, et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Ah oui, le sondage vous dit ce que vous pensez. Ben, tiens. La Chambre des députés, la moitié sont bons à rien, les autres sont prêts à tout. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Alors, tous les responsables du chômage sont responsables de toutes les conséquences du chômage. Ils seront responsables toute leur vie de la misère des 6 millions de chômeurs, des 10 millions de pauvres et des 30 000 sans-abri, 24 heures sur 24.